Chapitre 40e, Oxford et Milton. Marguerite ne s'était pas attendue à ce que la visite de Mistabel lui procurât beaucoup de plaisir. Elle ne l'avait désirée qu'à cause de son père. Mais lorsque son parrain fut arrivé, elle se prit tout naturellement pour lui de l'affection la plus sincère. Il disait qu'elle n'avait aucun mérite à être ce qu'elle était, c'est-à-dire une fille si complètement selon son cœur. C'était chez elle un don héréditaire que le pouvoir avec lequel elle s'était emparée de son amitié. Marguerite, de son côté, lui savait gré d'être restée si frais et si jeune sous son bonnet et sa robe d'agrégé. Frais et jeune en bonté et en chaleur de cœur, veux-je dire, reprenait-elle, car je dois avouer que vos opinions sont les plus reculées et les plus encroûtées que j'ai jamais entendu émettre. Écoutez votre fille, Hale. Sa résidence à Milton l'a tout à fait corrompue. Je vous la dénonce comme une démocrate, une républicaine rouge, un membre de la Société des Amis de la Paix, une socialiste. Papa, tout cela parce que je défends les progrès du commerce. Mr. Bell voudrait qu'on se bornât à échanger la peau des bêtes sauvages contre le blé. Non, non. Je permettrais qu'on bêchât le terrain et qu'on y semât des pommes de terre. Je voudrais aussi qu'on tondît les animaux et qu'on fît du drap de leur laine. N'exagérez pas, mademoiselle, mais je suis fatigué de tout ce tapage, de tout ce mouvement, de voir chacun voulant passer sur le corps de tout le monde dans cet avide désir de devenir riche. Tout le monde ne peut pas, comme vous, faire fortune en restant tranquillement assis dans une chaire de collège. Je ne doute pas qu'il n'y ait beaucoup d'hommes qui seraient fort aises de voir leurs propriétés augmenter de valeur. « Comment fait les vôtres, sans se donner la moindre peine ?» dit Mr. Hale. « Je ne crois pas que cela leur suffit. C'est la lutte et la bagarre qui leur plaisent. Quant à se tenir tranquille et à étudier l'histoire du passé, ou à présager l'avenir dans un travail consciencieux, écrit dans un esprit prophétique, ah, bast, je ne connais pas qu'il y ait dans Milton un seul homme qui sache se tenir tranquille, et c'est cependant un grand art. » Je suppose que les gens de Milton pensent que ceux d'Oxford ne savent ni remuer ni agir. Ce serait une bonne chose pour eux de se voir davantage. Cela pourrait être bon pour les Miltoniens. Bien des choses pourraient être bonnes pour eux, qui seraient très désagréables pour les autres. N'êtes-vous pas vous-même Miltonien ? Demanda Marguerite. J'aurais cru que vous deviez être fier de votre pays. J'avoue que je n'y vois rien dont je puisse être fier. Si vous voulez venir à Oxford, Marguerite, vous verrez là une ville dont on peut se glorifier, à juste titre. Mr. Thornton doit venir prendre le thé avec nous ce soir, et il est aussi fier de Milton que vous l'êtes d'Oxford, dit Mr. Hale. Vous tâcherez, réciproquement, d'envisager les choses avec un esprit plus libéral. Je ne désire pas avoir un esprit plus libéral, merci, dit Mr. Bell. Mr. Thornton viendra donc prendre le thé, papa, dit tout bas Marguerite. Oui, ou peut-être ne viendra-t-il qu'après. Il n'en savait rien. Il m'a dit de ne pas l'attendre. Mr. Thornton avait résolu de n'adresser aucune question à sa mère au sujet de l'entretien que celle-ci s'était promis d'avoir avec Marguerite. Il sentait que si l'entrevue avait eu lieu, la manière dont Mrs. Thornton lui en rendrait compte ne pourrait que le contrarier et l'affliger. Il redoutait même de lui entendre prononcer le nom de Marguerite. Lui, il est vrai, il la condamnait. Il était jaloux d'elle, il la reniait. Mais il l'aimait avec passion, en dépit de tout cela et en dépit de lui-même. Il rêvait d'elle, il rêva qu'elle venait au-devant de lui en dansant, les bras tout ouverts, avec une légèreté et une gaieté qui le charmaient et le révoltaient à la fois. Mais l'impression que cette figure de Marguerite, sans avoir rien du caractère de la jeune fille, car on eût dit que quelque mauvais génie avait pris sa forme, avait faite sur son imagination, était si vive et si profonde que lorsqu'il s'éveilla, il avait peine à séparer le rêve de la réalité, et que quelque chose de la répulsion que lui inspirait la Marguerite imaginaire semblait s'attacher à la véritable. Cependant, il était trop orgueilleux pour avouer sa faiblesse en évitant de se trouver avec la jeune fille. Il ne voulait ni fuir ni rechercher l'occasion de la voir. Pour bien se convaincre de son empire sur lui-même, il acheva sans se hâter ses affaires de ce jour dans tous leurs détails, et par suite, il était près de 8 heures lorsqu'il arriva chez Mr. Hale. Il entra dans le cabinet de celui-ci, où l'attendait Mr. Bell pour terminer quelques affaires. Après quoi, ce dernier se mit à discourir longuement près du feu au lieu de monter au salon. Mr. Thornton ne voulut pas dire un mot qui indiqua qu'il désirait s'y rendre, Il enrageait intérieurement et trouva Mr. Bell l'homme du monde le plus ennuyeux. Mr. Bell, de son côté, se disait que Mr. Thornton était devenu brusque, peu aimable, et qu'il avait beaucoup perdu, en intelligence comme en bonne manière. À la fin, un léger bruit qui se fit entendre au-dessus d'eux leur suggéra l'idée de monter. Ils trouvèrent Marguerite ayant à la main une lettre ouverte au sujet de laquelle elle causait avec son père. En les apercevant, elle la mit aussitôt de côté, mais Mr. Thornton entendit Mr. Hale dire à Mr. Bell « C'est une lettre d'Henry Lennox. Elle a ranimé l'espoir de Marguerite. » Mr. Bell fit un signe de tête. Lorsque Mr. Thornton regarda Marguerite, il vit ses joues couvertes d'une vive rougeur. Il eut envie de se lever et de sortir de la chambre à l'instant même pour n'y jamais rentrer. « Nous pensions, dit Mr. Hale, que Mr. Thornton et vous suiviez le conseil de Marguerite et que vous essayiez de vous convertir l'un l'autre. » Mr. Thornton ne savait pas de quoi il était question et ne daignait pas s'en informer. Mr. Hale le mit poliment au courant. « Monsieur Thornton, ce matin nous accusions Mr. Bell d'une sorte de bigoterie oxonienne, digne du Moyen-Âge, contre sa ville natale, et nous disions, Marguerite du moins disait, que cela lui ferait du bien de fréquenter un peu les manufacturiers de Milton. Je vous demande pardon. Marguerite disait qu'il serait bon que les manufacturiers de Milton fréquentassent davantage les hommes d'Oxford. N'est-ce pas, Marguerite? Je disais, je crois qu'il serait utile pour tous deux de voir les autres un peu plus souvent, mais papa le disait comme moi. Ainsi, vous voyez, monsieur Thornton, que nous aurions dû tâcher de nous améliorer réciproquement pendant que nous étions en bas, au lieu de causer des familles aujourd'hui éteintes, des Smith et des Harrison. Cependant, me voici maintenant prêt à faire ma partie. Je me demande quand vous avez l'intention de vivre, vous autres gens de Milton. Toute votre existence semble se passer à rassembler les matériaux de la vie. Par vivre, je suppose que vous entendez jouir. Oui, jouir. Je ne particularise pas, parce que je suppose que tous deux, nous considérons le simple plaisir comme une très mince jouissance. Je préférerais que vous voulussiez bien définir la nature de la jouissance. Eh bien, la jouissance du loisir, la jouissance du pouvoir, de l'influence que donne la fortune. Vous vous efforcez tous d'acquérir de l'argent. Qu'en voulez-vous faire? Mr. Thornton garda quelque temps le silence, puis il dit « Je n'en sais réellement rien. Quant à moi, mes efforts ne sont pas dirigés vers l'argent. Vers quoi, alors? C'est là une question bien personnelle et je ne suis pas sûr d'être préparé à y répondre. » Non, dit Mr. Hale, pas de questions personnelles. D'ailleurs, vous ne pouvez ni l'un ni l'autre être le représentant d'Oxford et de Milton. Vos individualités sont trop prononcées. Je ne sais pas trop si je dois regarder ceci comme un compliment. J'aimerais à représenter Oxford avec sa beauté, sa science et sa vieille et glorieuse histoire. Qu'en dites-vous, Marguerite? Dois-je être ou non flatté? Je ne connais pas Oxford, mais il me semble qu'il y a une différence entre représenter une ville et être un spécimen de ses habitants. Cela est très vrai, Miss Marguerite. Maintenant, je me rappelle que vous étiez contre moi ce matin et que vous êtes montrée tout à fait miltonienne et manufacturière dans vos sympathies. Marguerite vit le rapide coup d'œil plein d'étonnement que Mr. Thornton jeta vers elle, et elle fut contrariée de la signification qu'il pourrait donner aux paroles de Mr. Bell. Celui-ci continua. « Oh, je voudrais pouvoir vous montrer notre High Street, notre Radcliffe Square. Je ne parle pas de nos collègues, de même que je permets à Mr. Thornton de laisser de côté ses manufactures en vantant les charmes de Milton. J'ai le droit de critiquer mon pays. Rappelez-vous que je suis miltonien. » Mr. Thornton était plus contrarié qu'il n'y avait lieu de l'être, parce que, disait Mr. Bell, il n'était pas en disposition de plaisanter. Dans un autre moment, il se serait amusé des boutades originales de Mr. Bell contre une ville dont la vie était en opposition si complète avec les habitudes que celui-ci s'était faites. Mais ce soir-là, il était si disposé à l'aigreur qu'il entreprit de défendre ce qu'on n'avait pas eu l'intention d'attaquer. « Je ne donne pas Milton pour une ville modèle, » dit-il. « Pas pour l'architecture, » dit malignement Mr. Bell. « Non, nous avons eu trop à faire pour nous occuper des choses purement extérieures. » Ne les appelez pas des choses purement extérieures, dit doucement Mr. Hale. Elles nous pénètrent tout entier à la longue et ont une grande influence sur nous. Attendez un peu, dit Mr. Thornton. Nous sommes d'une race différente de celle des Grecs, pour lesquels la beauté était tout. C'est à eux que convenait la vie de loisir et de sereine jouissance dont parle Mr. Bell. Je ne veux pas les mépriser, pas plus que je ne voudrais les singer. Mais j'appartiens à la race teutonique. Elle est moins mélangée dans cette partie de l'Angleterre que dans les autres. Nous avons conservé beaucoup de son langage. Nous conservons encore plus de son esprit. Nous ne regardons pas la vie comme devant être consacrée à la jouissance, mais à l'action et au travail. Notre gloire et notre beauté viennent de la force intérieure, qui nous fait triompher des résistances de la matière et d'obstacles plus grands encore. Il nous reste autre chose des teutons. À nous, hommes du Darkshire, nous haïssons qu'on fasse pour nous des lois à distance. Nous voudrions qu'on nous laissât nous faire droit à nous-mêmes, au lieu de nous imposer une législation imparfaite et ignorante de nos besoins. Nous défendons le self-government et nous sommes opposés à la centralisation. En un mot, vous voudriez voir revenir l'heptarchie. Eh bien alors, je rétracte ce que je disais ce matin, que vous autres Miltoniens, vous n'aviez pas le respect du passé. Je vois qu'au contraire, vous êtes de véritables adorateurs de Thor. Si nous n'avions pas le culte du passé comme vous l'avez à Oxford, c'est que nous avons besoin de quelque chose qui s'applique plus directement au présent. L'étude de ce passé est une belle chose, lorsqu'elle donne les moyens de prophétiser l'avenir. Mais pour les hommes qui cherchent leur voie en tâtonnant dans des circonstances nouvelles, ce qui serait plus beau, ce serait que les leçons du passé puissent nous enseigner comment il faut agir dans les choses qui nous touchent plus intimement et plus immédiatement, car elles sont pleines de difficultés auxquelles il nous faut faire face, et de la manière dont ces difficultés seront résolues, non pas écartées pour l'instant, dépend tout notre sort futur. Adorateurs de la sagesse du passé, venez donc nous aider dans la solution des problèmes du présent. Mais non, vous songez plus volontiers à la République d'Utopie qu'au devoir du lendemain, et lorsque ce devoir est tout entier accompli par d'autres, vous êtes toujours prêt à vous écrier « Fi, quelle honte !» Dans tout cela, je ne vois pas trop qui vous en avez. Les manufacturiers de Milton condescendraient-ils à soumettre aux hommes d'Oxford leurs difficultés actuelles? Vous n'avez pas encore essayé de nous. Mr. Thornton se prit franchement à rire. Je pensais à ce qui nous a entravés pendant ces derniers temps. Je songeais aux collisions que nous avons eues à subir, et qui sont des choses très fâcheuses, ainsi que je m'en suis aperçu à mes dépens. Cependant, cette dernière collision, dont les suites me font encore souffrir, a été au moins honorable. Une coalition honorable, s'écria Mr. Bell. Oh, je vois que vous êtes livré tout entier au culte de Thor. Marguerite sentit, plutôt qu'elle ne le vit, que Mr. Thornton était contrarié de ses plaisanteries répétées sur des questions qui étaient pour lui très sérieuses. Elle essaya de changer le tour de la conversation car le sujet en était, pour l'un des interlocuteurs, à peu près indifférent, tandis que pour l'autre il était profondément intéressant parce qu'il lui était presque personnel. Elle s'efforça de trouver quelque chose à dire. « Edith m'écrit, fit-elle, que les caligos imprimés sont plus beaux et meilleurs marchés à Corfou qu'à Londres. »« Vraiment ?» dit Mr. Hale. « C'est sans doute là une des exagérations d'Edith. En es-tu bien sûr, Marguerite ?»« Je suis bien sûr qu'elle me l'a écrit, papa. » « Alors, je tiens le fait pour certain, » dit Mr. Bell. « Marguerite, j'ai une telle confiance dans votre véracité qu'elle s'étend jusqu'à votre parente. Je ne puis croire qu'une personne qui est votre cousine exagère rien. » « Miss Hale est-elle donc si véritablement véridique ?» dit Mr. Thornton avec amertume. À peine eut-il prononcé cette parole qu'il aurait voulu pour tout au monde pouvoir la rappeler. Qu'était-il ? Qui lui donnait le droit de la blesser ainsi ? Quel mauvais esprit s'était donc emparé de lui ce soir? Il avait d'abord conçu de l'humeur d'être retenu loin d'elle, puis il avait été irrité en entendant prononcer certains noms, parce qu'il pensait que ce nom était celui d'un admirateur mieux accueilli que lui. Il venait de se laisser aller à montrer un mauvais caractère, parce qu'il ne s'était pas senti assez léger de cœur pour tenir tête à quelqu'un qui essayait, au moyen d'une conversation gaie et plaisante, de faire que la soirée se passât agréablement pour tous, et qui était pour tous un ami bon et dévoué. Mr. Thornton aurait dû être accoutumé à ses manières, car il le connaissait depuis de longues années. Et enfin, avoir parlé à Marguerite comme il l'avait fait. Elle ne se leva pas pour quitter la chambre, comme elle faisait autrefois lorsque, par sa brusquerie ou par quelque attaque indiscrète, il l'avait blessée. Elle resta assise, complètement immobile pendant quelques instants, et jeta vers lui un regard de surprise chagrine, semblable à celui d'un enfant qui a essuyé une réprimande inattendue. Ce regard se fondit en une expression de reproche et de tristesse, Puis elle reprit son ouvrage et ne parla plus. Mais lui ne put s'empêcher de la regarder. Il la vit soupirer et trembler légèrement, comme si elle eût ressenti un froid inaccoutumé. Il éprouvait ce qu'éprouverait une mère obligée de quitter l'enfant qu'elle a grondé, avant d'avoir retrouvé son sourire. Il faisait des réponses brèves et piquantes, il était mal à l'aise et de mauvaise humeur, incapable de discerner la plaisanterie de ce qui était dit sérieusement, désirant avec anxiété un mot, un regard d'elle, devant lequel il put se prosterner dans son humilité repentante. Mais elle ne le regarda ni ne lui parla. Ses doigts continuaient de manier l'aiguille, agiles et assidus, comme si elle eût travaillé pour gagner sa vie. Il se disait qu'il fallait qu'il lui fût bien indifférent, sans quoi la ferveur passionnée de son désir lui forçait à lever les yeux, ne fût-ce qu'un instant, pour lire du moins dans les siens son amer repentir. Il lui semblait qu'il eût voulu la frapper avant de partir, afin d'acquérir par quelque acte étrange de rudesse le droit de lui dire les remords qui dévoraient son cœur. Heureusement, la longue course qu'il fit à l'air froid du soir le calmèrent. Il résolut sérieusement de voir dorénavant Marguerite le moins possible, puisque la seule vue de ce visage et de cette forme, les seuls sons de cette voix harmonieuse, avaient ainsi le pouvoir de le bouleverser et de lui ravir l'empire de lui-même. Il avait donc connu l'amour. C'était une cuisante angoisse, une cruelle épreuve dont il traversait la flamme, mais au sortir de cette fournaise ardente, il entrerait, purifié d'égoïsme, dans la sérénité de l'âge mûr. Lorsqu'il eut quitté la chambre, Marguerite se leva et se mit à plier son ouvrage, qui lui semblait plus lourd que de coutume. Son visage se tira, et toute son attitude devint celle d'une personne qui achève une journée longue et fatigante. Comme tous trois montaient se coucher, Mr. Bell ne put s'empêcher de blâmer Mr. Thornton. « Je n'ai jamais vu un individu plus complètement gâté par le succès. Il ne peut supporter la moindre plaisanterie. Chaque mot semble porter atteinte à sa dignité. Autrefois, il était simple et noble comme la lumière du jour. On ne l'offensait jamais parce qu'il n'avait pas de vanité. » « Il n'est pas vain maintenant, » dit Marguerite, avec calme et distinctement. « Ce soir, il n'était pas comme à son ordinaire. » Il faut que quelque chose l'ait contrarié avant son arrivée ici. » Mr. Bell la regarda vivement par-dessus ses lunettes. Elle soutint ce regard sans embarras, mais, lorsqu'elle eut quitté la chambre, Mr. Bell dit tout à coup « Hale, n'avez-vous jamais remarqué que Mr. Thornton et votre fille eussent ce que les Français appellent de la tendresse l'un pour l'autre ?»« Jamais, » dit Mr. Hale, d'abord surpris, puis ensuite un peu agité par cette nouvelle idée. « Non, je suis sûr que vous vous trompez. » S'il y a quelque chose, ce ne peut être que du côté de Mr. Thornton. Pauvre garçon, j'espère qu'il ne songe pas à elle, car je suis sûr qu'elle ne voudrait pas de lui. Eh bien, je suis resté garçon et je n'ai jamais entendu grand-chose à l'amour, de sorte que mon opinion ne prouve peut-être en rien, sans quoi je dirais qu'elle me paraît en avoir tous les symptômes. Alors je suis sûr que vous vous trompez, dit Mr. Hale. Il est possible qu'il l'aime, bien que, quelquefois, elle se soit montrée presque impolie avec lui. Mais elle, oh, Marguerite ne voudrait pas entendre parler de lui. Jamais rien de semblable n'est entré dans sa tête, j'en suis bien sûr. Il suffirait que cela fût entré dans son cœur. Au reste, c'est simplement une idée qui m'a traversé l'esprit. Il est possible que je me trompe. Mais, soit que je me trompe ou non, j'ai extrêmement envie de dormir, et maintenant que j'ai troublé votre repos de cette nuit, à ce que je vois avec mes sottes imaginations, « je vais me coucher, l'esprit en paix. » Mr. Hale résolut de ne pas se tourmenter d'une idée aussi invraisemblable. Néanmoins, il demeura éveillé une partie de la nuit, se disant toujours qu'il ne voulait pas penser à cela. Mr. Bell partit le lendemain, recommandant à Marguerite de le regarder comme un ami qui avait le droit de l'aider et de la protéger dans ses peines, de quelque nature qu'elles fussent. « Votre Marguerite s'est véritablement emparée de mon cœur. » Et ils ont bien soin, car c'est une précieuse créature, 100 fois trop bonne pour Milton, digne d'Oxford en un mot. Je parle de la ville et non des hommes, car je ne connais encore personne qui puisse lui aller. Lorsque j'aurai trouvé ce qu'il lui faut, j'amènerai mon jeune homme, qui se tiendra debout à côté de votre jeune fille. De même que le génie des mille et une nuits amena le prince Carolmazan pour épouser la princesse Badoura. Je vous prie de ne rien faire de semblable. « Souvenez-vous des malheurs qui en résultèrent, et d'ailleurs, je ne puis me passer de Marguerite. »« Non, En y réfléchissant, nous ferons mieux de la garder pour nous soigner dans 10 ans d'ici, quand nous serons devenus vieux, infirmes et maussades. Sérieusement, Hale, je voudrais vous voir quitter Milton, la ville du monde qui vous convient le moins, bien que je voulais moi-même conseiller d'abord. Si vous vouliez, je passerai par-dessus mes ombres de Dante, je solliciterai un bénéfice et vous et Marguerite viendriez vivre au presbytère. Vous pourriez être une sorte de curé laïc qui me débarrasserait d'une partie de la besogne, et elle pourrait être notre ménagère, la providence du village dans le jour et le soir nous faire la lecture. Je serais très heureux ainsi, je crois, que vous ensemble. Jamais, dit Mr. Hale avec décision. Mon seul changement m'a causé de trop grandes souffrances. Je resterai ici toute ma vie et j'y serai enterré au milieu de la foule. Je ne renonce pas à mon plan, cependant. Nous en reparlerons. Où est la foule? Allons, Marguerite, embrassez-moi. Et rappelez-vous, cher enfant, que vous me trouverez toujours prêt à vous obliger. Vous êtes ma fille, Marguerite. Souvenez-vous de cela et que Dieu vous bénisse. Ils retombèrent dans la vie monotone qu'ils devaient mener désormais. Il n'y avait plus de malade pour lequel on craignit, on espéra tour à tour. Les Higgins eux-mêmes, si longtemps l'objet d'un vif intérêt, n'avaient plus maintenant autant besoin qu'on s'occupât d'eux. Les enfants orphelins de Butcher réclamaient seuls les soins et l'attention de Marguerite. Aussi allait-elle souvent voir Mary Higgins, qui s'était chargée d'eux. Les deux familles vivaient dans la même maison. Les aînés allaient à l'école, les plus jeunes étaient soignés, pendant que Mary travaillait au dehors, par cette voisine dont le bon sens avait frappé Marguerite lors de la mort de Butcher. Bien entendu, elle était payée de la peine qu'elle prenait. Dans tous ses arrangements au sujet de ses pauvres enfants, Nicolas avait montré un jugement et une suite qu'on aurait à peine attendu de lui. Il était si assidu à son ouvrage que Marguerite le voyait rarement pendant ces mois d'hiver. Mais lorsqu'elle l'avait trouvé, par hasard, chez lui, elle avait remarqué qu'il évitait de parler du père de ses enfants qu'il avait si complètement adoptés. Il causait plus volontiers de Mr. Thornton. « À nous dire vrai, il me déroute complètement, » disait-il. « Il y a en lui deux hommes. Il y en a un, celui que je connaissais, qui n'est qu'un maître de la tête aux pieds. L'autre, au contraire, n'a pas une once de chair qui appartienne à un maître. Comment ces deux hommes peuvent être ensemble dans un même corps, c'est là ce que je ne puis pas comprendre. J'y arriverai, malgré tout. Quoi qu'il en soit, il vient ici assez souvent. L'homme, je veux dire, non pas le maître. Et je crois que je l'étonne tout autant qu'il m'intrigue moi-même, car il reste là, assis, m'écoutant et me regardant comme si j'étais quelque animal étrange, nouvellement attrapé dans une autre zone. Mais cela ne m'effraie pas. Il faudrait bien des choses pour m'intimider ou me faire peur dans ma propre maison. Il le voit bien. Et je lui dis souvent des choses que je compte qu'il aurait mieux valu pour lui entendre plus jeune. Mais ne vous répond-il pas? Demanda Mr. Hale. Sans doute. Mais cela ne veut pas dire que l'avantage soit toujours de son côté, car je crois vraiment que je lui étais bon à quelque chose. Souvent, il dit une parole brusque qui paraît d'abord un peu dure, mais qui, lorsqu'on en vient à la bien mâcher, a un arrière-goût de vérité et de raison. Il va venir ce soir, à ce que je compte, pour s'assurer de ce que les enfants apprennent à l'école. Il n'est pas très content, et il veut les examiner. « Qu'est-ce qu'il ?» commençait Mr. Hale, quand Marguerite lui toucha le bras et lui fit voir sa montre. « Il est près de 7 heures, papa, » dit-elle. « Les jours allongent et cela trompe. Je crois qu'il est temps de nous en aller. » Et elle ne respira librement que lorsqu'ils furent à quelque distance de la maison. Alors, devenue plus calme, elle regretta de s'être tant pressée, car on ne voyait plus maintenant Mr. Thornton que très rarement, et il serait sans doute venu chez les Higgins, et en souvenir de leur ancienne amitié, elle aurait été bien aise de le voir. Oui, il venait maintenant très rarement, même en tenant compte de ses affaires. Mr. Hale était désappointé de la tiédeur de son élève pour la littérature grecque, qui lui inspirait naguère un si vif intérêt. Il arrivait souvent qu'un billet de Mr. Thornton, écrit à la hâte, prévenait Mr. Hale qu'il était trop occupé pour venir au rendez-vous convenu. Et bien que Mr. Hale eût maintenant beaucoup d'autres élèves, personne ne pouvait remplacer le premier dans son cœur. Il était attristé de voir cesser en partie des relations qui lui étaient devenues chères, et se demandait souvent quelle pouvait être la cause de ce changement. Un soir, il fit tout à coup tressaillir Marguerite, qui travaillait près de lui en lui disant « Marguerite, as-tu jamais eu quelque raison de croire que Mr. Thornton avait de l'attachement pour toi ?»« Il rougit presque en adressant cette question à sa fille. Mais l'idée que lui avait suggérée Mr. Bell lui était revenue à l'esprit, et les paroles étaient sorties de sa bouche avant qu'il eût le temps de réfléchir. Marguerite ne répondit pas tout de suite, mais à sa tête penchée, à son embarras, son père devina ce qu'il en était. « Oui, » dit-elle enfin. « Oh, papa, j'aurais dû vous en parler. » Il cacha son visage entre ses mains. « Non, cher enfant, ne crois pas que je sois curieux. Je suis bien sûr que tu m'en aurais instruit si tu avais cru pouvoir lui rendre son affection. T'en as-t-il parlé ?»« Oui, » dit bien bas Marguerite. « Et tu l'as refusé ?» Un profond soupir, une attitude désolée et découragée, puis un autre « oui » dit plus bas encore. Mais avant que Mr. Hale parlât, Marguerite laissa voir son visage couvert d'une pudique rougeur et, regardant son père, elle lui dit « Papa, pardonnez-moi. Je ne puis vous en dire davantage. Tout cela m'a été si pénible, tout ce qui s'y rapporte m'est d'une amertume si intolérable que je ne puis supporter d'y songer. Oh, papa, je suis fâché d'être cause que vous avez perdu un ami, mais je n'ai pu faire autrement, mais... Oh, je suis bien, bien fâché. » Elle s'assit par terre et posa sa tête sur les genoux de Mr. Hale. « Je suis chagrin aussi, mon enfant. Mr. Bell m'avait beaucoup étonné lorsqu'il m'a dit qu'une idée de cette sorte... Mr. Bell? Oh, Mr. Bell s'en est donc aperçu. » Un peu. Mais il avait dans la tête que tu... Comment dirais-je? Que tu étais bien disposé envers Mr. Thornton. Je savais que cela n'était pas. J'espérais que cela n'existait que dans son imagination. Dans tous les cas... Je connaissais trop bien tes sentiments véritables pour supposer que tu puisses jamais aimer Mr. Thornton de cette manière, mais je suis très chagrin de tout cela. » Ils gardèrent le silence pendant quelques instants, mais lorsque Mr. Hale voulut caresser les joues de sa fille, il s'aperçut avec douleur et avec étonnement qu'elles étaient mouillées de larmes. Marguerite se releva soudain, et avec une gaieté évidemment forcée, elle se mit à parler des Lennox, laissant voir un si vif désir de changer le tour de la conversation que le bon Mr. Hale n'eut pas le courage de lui parler davantage de ce qui paraissait lui être si désagréable. « Demain, » disait-elle, « oui, c'est demain qu'ils seront de retour à Londres. Oh, que cela va leur paraître singulier. Je me demande de quelle chambre ils feront leur nursery. Ma tante s'amusera bien du baby. Imaginez-vous, Edith, maman. Et le capitaine Lennox, je voudrais bien savoir ce qu'il fera lorsqu'il aura vendu sa commission. « Je crois, » dit Mr. Hale, « qu'il faudra que je me passe de toi pendant une quinzaine de jours et que tu ailles revoir les voyageurs. Tu en apprendrais plus en une demi-heure de conversation avec Mr. Lennox sur les chances qui restent à Frédéric que par une douzaine de lettres. Ce serait un voyage à la fois utile et agréable. « Non, papa, vous ne pouvez vous passer de moi et qui plus est, je ne veux pas que vous vous en passiez. » Puis, après une pause, elle ajouta « Je perds toute espérance au sujet de Frédéric. Il nous dit les choses petit à petit, mais je vois bien que Mr. Lennox lui-même n'a guère d'espoir de retrouver les témoins. Il faut nous consoler en songeant que Frédéric est heureux, et en étant tout l'un pour l'autre. Ne venez donc pas m'offenser, papa, en me disant que vous pensez vous passer de moi, car je vous assure que vous ne le pourriez pas. » Cependant, l'idée d'un changement germa et prit racine dans l'esprit de Marguerite, mais non pas telle que l'avait suggéré son père. Elle en vint à penser que ce serait en effet une chose très désirable pour Mr. Hale, qui, de tout temps, mélancolique, était maintenant très souvent d'une extrême tristesse, et dont la santé, bien qu'il ne se plaignît jamais, avait été sérieusement affectée par la maladie et la mort de Mrs. Hale. Il avait, il est vrai, ses heures régulières de leçons qu'il passait avec ses élèves. Mais là, il donnait sans recevoir. Ce n'était plus une société comme lorsque Mr. Thornton venait étudier et lire avec lui. Marguerite s'apercevait de ce qui lui manquait sans qu'il en eût lui-même conscience. C'était des relations avec d'autres hommes. À Hailstone, il échangeait continuellement des visites avec les ecclésiastiques voisins. Et les pauvres laboureurs, soit dans leurs champs, soit en revenant lentement chez eux, ou en surveillant leurs bestiaux dans la forêt, étaient toujours libres de causer et aimaient qu'on leur parlât. Mais à Milton, tout le monde était trop affairé pour converser tranquillement ou pour échanger des pensées mûries par la réflexion. Tous ne parlaient que de leurs affaires, et lorsque la tension d'esprit que demandaient leurs occupations de chaque jour n'était plus nécessaire, ils se laissaient aller à un repos apathique jusqu'au lendemain matin. On ne trouvait jamais l'ouvrier chez lui. Après cet âge de la journée, il allait à quelques lectures, au club ou au cabaret, suivant ses goûts et son caractère. Mr. Hill songea à faire une suite de lectures dans l'un des clubs, mais il y songeait comme un devoir pénible, et avec si peu de goût pour le travail, que Marguerite se sentait certaine qu'il ne ferait rien de bon et d'utile tant qu'il ne serait pas mieux disposé.